Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 29 novembre 2017. Voici les grands titres de cette édition. Les participants au dialogue inter-burundais d'Arusha travaillent en groupe formé de personnes partageant les mêmes tendances politiques après avoir échoué à ne former que deux groupes, comme l'avait exigé le facilitateur Benjamin Mkapa, notre envoyé spécial, nous le dira. Trois infirmiers responsables des musulmans dans la province Karoussi sont détenus au cachot du commissariat. Le procureur de la République les accuse de pratiquer clandestinement la circoncision. Et en cette semaine dédiée à la lutte contre le sida, et dans la série de reportages que nous vous proposons à ce sujet, aujourd'hui nous vous parlons des couples séro-discordants. Comprenez quand un des conjoints vit avec le virus du sida. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Les participants au dialogue inter-burundais à Arusha n'ont pas pu créer de groupe comme exigé par le facilitateur Benjamin Mkapa. Non plus, le modérateur souhaité par la médiation n'a pas pu être choisi parmi les participants et la solution a été finalement de créer cinq groupes formés de personnes partageant les mêmes tendances politiques. Envoyé spécial de la rédaction à Arusha, Pascal Nyoyangonze. Après la demande de la médiation, de la création de deux groupes et de participants à ce dialogue, ces derniers n'ont pas pu s'entendre sur cette formule selon certains participants. L'exemple est celle des associations de la société civile, dont certaines d'entre elles soutiennent les programmes du pouvoir en place, d'autres ayant des visions contraires. Par exemple, celles qui n'acceptent pas la révision de la Constitution. Ces derniers ne pouvaient pas former une même équipe sous risque de s'éterniser dans des discussions interminables selon les participants. Cinq groupes ont alors été créés selon les tendances politiques. Le premier groupe est composé des représentants du gouvernement et des partis de la mouvance comme l'IPONA, Radebou, FNL de Jacques Grimana et bien d'autres. Le deuxième groupe est formé par les partis de l'opposition comme le Frodebou, la coalition Amizero Barundi, les acteurs indépendants et tous les autres qui sont contre la révision de la Constitution. Le troisième groupe est composé par les associations de la société civile dites proches du pouvoir comme Pisque Burundi et les jeunes. Le quatrième groupe étant composé des organisations de la société civile opposées à certains projets du régime comme la révision de la Constitution. Il s'agit de la FACEM, Policom et les représentants des femmes. Le cinquième groupe est composé des anciens chefs d'État. Mais jusqu'à ce mercredi, seul le sénateur Sylvestre Nimanungagna est sur le lieu. Les autres se faisant toujours attendre. Et si alors cette formule est acceptée par la facilitation, le facilitateur Benjamin Mkapa va désigner un délégué de son bureau dans chaque groupe pour orienter et canaliser les discussions. Arusha, Pascal Nyamunze pour la radio Isanganiro. Merci Pascal Nyahonze. Précisons que les représentants des églises reconnues au Burundi ne participent pas encore à ces travaux parce que n'ayant pas de groupe constitué. Trois infirmiers responsables de musulmans dans la province Karoussi sont détenus au cachot du commissariat de police de Karoussi. Le procureur de la République accuse ces personnes de pratiquer clandestinement la circoncision. Le responsable provincial de l'islam explique qu'il s'agissait d'une campagne menée à leur mosquée de Bouhiga et 35 jeunes venaient déjà d'être opérés. Blaise Pascal Kararoumi. Les trois infirmiers emprisonnés au cachot du commissariat de police de Karoussi sont un infirmier du centre de santé de Bouhiga, un infirmier du centre de santé de Nyaruhinda de la commune Gitaramuka et un autre de la pharmacie du centre de négoce de Bouhiga, de Karoussi. Ils ont été arrêtés ce dimanche par la police et arrêtés en même temps que le responsable de l'islam dans la province Karoussi, Henri Zeimana, lorsque ce dernier et ses infirmiers menaient une campagne d'opération de circoncision d'une centaine de personnes à la mosquée de Bouhiga. Cela étant indiqué par le procureur de la République de Karoussi, qui affirme que 35 jeunes venaient d'être opérés avant que la police ne les surprenne et qu'il était prévu d'opérer 100 personnes. Les responsables de l'islam de Bouhiga parlent quant à eux d'une campagne inscrite dans les rites musulmans. Sur cela, le procureur de la République communique que de telles opérations de circoncision ne sont permises que dans une structure de santé. Il signale que ces infirmiers gagnaient 15 000 francs par personne circoncise. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Et 50 femmes vivant avec le VIH et SIDA ont mis au monde des enfants séronégatifs à l'hôpital militaire de Kamenge, cela avec l'appui du gouvernement des États-Unis. C'est une précision donnée par le directeur général de l'hôpital militaire de Kamenge, Dr Marc Nimburanira, lors d'une visite de l'ambassadrice des États-Unis au Burundi, Anne Casper, à cet hôpital, dans le but de voir des résultats déjà atteints dans les services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Sa visite s'inscrit dans la célébration de la journée internationale de la lutte contre le sida qui est prévue en date du 1er décembre. Cette journée sera célébrée ici dans le pays. Ici à l'hôpital militaire de Kamenge, le gouvernement des États-Unis a appuyé notre hôpital pour améliorer la prise en charge des patients vivant avec le VIH-SIDA. Le gouvernement nous a aidés pour faire l'extension et avoir de l'espace suffisant pour le suivi de ces patients vivant avec le VIH-SIDA. Madame l'ambassadrice, venez ici pour voir où est-ce que nous en sommes avec ce projet et quels sont les résultats déjà atteints. Elle a trouvé que les résultats sont satisfaisants. À titre d'exemple, les femmes enceintes séropositives, la plupart ont donné des enfants séronégatifs. Nous avons eu 50 femmes enceintes séropositives qui ont donné toutes des enfants séronégatifs. C'est un résultat très satisfaisant. D'autres résultats, c'est qu'il y a peu de déperditions. Le suivi est actuellement bien assuré. C'était Dr Marc Nimburanira, il est directeur général de l'hôpital militaire de Kamenge. Il est 13h03 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Plus de 300 hectares d'eucalyptus plantés dans les marais de Musigati et Rugazi dans la province Bubanza sont en train d'être détruits depuis la semaine dernière. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage dans cette province explique que non seulement l'eucalyptus acidifie le sol, mais aussi il ne devrait pas occuper les terres consacrées aux cultures vivrières. Spes Caritas Cabañana. Au total, c'est plus de 300 hectares plantés d'eucalyptus qui doivent être détruits dans les communes de Musigati et Rugazi, selon les responsables de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage. Ils expliquent que l'eucalyptus n'est pas un arbre agroforestier et qu'il acidifie le sol, que donc il ne devrait pas être planté dans les vallées qui devraient être consacrées aux cultures vivrières. Les travaux de nettoyage et de ratissage de ces eucalyptus ont commencé la semaine passée et 63 hectares de cet arbre sont déjà à terre, selon le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza, Wirinda Ikeza, fait également savoir que les 250 hectares qui restent dans les marais de Musigati et Rugazi vont être détruits ce jeudi et que la population devrait comprendre qu'elle ne doit pas replanter ce genre d'arbres dans les marais et dans ses alentours. L'eucalyptus doit être planté sur des montagnes abruptes et caillouteuses qui ne supportent pas d'autres cultures, selon les moniteurs agricoles contactés. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. 96% des détenus malnutris dans les prisons de Muramvya, Gitega, Ngozi et Muyinga ont pu retrouver un poids sain grâce à un projet de production de légumes copiloté par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge et la Direction générale des affaires pénitentiaires. À travers un communiqué sorti par le CICR, Vanessa Chap, chargée de la communication, fait savoir que 4 prisons du sud du pays vont également bénéficier d'un tel projet. La convention entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé stipule que les détenus doivent recevoir par jour 100 grammes de produits frais. Donc, sur les détenus qui ont fait partie du programme dans les 4 prisons où le projet pilote a été lancé, nous avons noté entre février et août de cette année que 87% des détenus malnutris ont pu en fait sortir du programme et ont retrouvé un poids sain. En effet, nous mesurons l'indice de masse corporelle des détenus qui entrent en détention. Et on note souvent que c'est à l'arrivée en détention que les détenus ont un indice de masse corporelle trop bas. Et grâce au programme, en effet, 87% des détenus ont pu sortir déjà du programme. Est-ce que vous comptez étendre ce projet dans d'autres prisons du Burundi, lesquelles ? Oui, nous allons continuer en 2018 de soutenir la DGAP et puis nous allons étendre le programme de jardin pénitentiaire dans les prisons de Rutana, Ruigi, Buriri et Rumonge, avec de nouveau un appui financier, un soutien technique, aussi du conseil évidemment, afin de développer ces jardins pénitentiaires. Il y a beaucoup de mobilisation qui se fait au niveau des directeurs des prisons, des autorités, afin d'identifier les détenus qui peuvent travailler dans ces jardins. C'était Vanessa Schaap, chargée de la communication au CICR, qui répondait aux questions de Mireille Kanyangé. Elle indique en outre que 400 femmes chefs de ménage ont été assistées pour des activités génératrices de revenus et 1000 familles de vulnérables pour un travail d'utilité publique. Je vous l'avais dit, dans cette semaine dédiée à la lutte contre le sida et dans la série de reportages que nous vous proposons, aujourd'hui nous vous parlons des couples sérodiscordants. Comprenez quand un des conjoints vit avec le virus du sida. Et cela est confirmé par Dr Félicité Ngonzimana du Programme national de lutte contre le sida. Et c'est un reportage d'Ali Dandaïket. Ça fait à peu près 16 ans que je suis porteur du VIH. Cette voix est de Félix Nungumburani. Il vit avec le virus du sida depuis 2002. Il est dans un couple sérodiscordant. Il n'avait pas fait de dépistage parce qu'il pensait qu'il n'avait pas le sida, car sa femme faisait le test souvent et était séronégative. Mon épouse avait adhéré dans des associations de lutte contre le VIH. Elle s'est fait tester à 3 reprises. Lorsque j'ai vu qu'elle était toujours séronégative, j'ai été intéressé d'aller tester mon état de santé. Malheureusement, je n'étais pas seulement infecté par le VIH, mais j'étais déjà au stade de débuter les antirétroviraux. Et lorsque j'ai connu ma séropositivité, j'avais déjà 3 enfants. Ce retraité ne cache pas que sa femme est restée à ses côtés, même si lui, il était malade. Lorsqu'elle a vu que c'est une situation irréversible, elle m'a soutenu. Et pour que je reste dans ma peau, elle m'a conseillé d'adhérer dans des associations pour me conforter. C'est grâce à elle que j'ai adhéré au réseau burundais des personnes vivant avec le VIH et qui m'a aidé à m'ouvrir, à pouvoir surmonter cette situation. Docteur Félicité Ngonzimana du Programme national de lutte contre le sida indique que la discordance s'explique par l'absence de récepteurs qui facilitent la contamination. Le virus pénètre dans l'organisme humain et puis se multiplie à l'intérieur des cellules CD4. Il arrive des fois que sur le CD4, il n'y a pas de récepteur permettant au virus VIH d'entrer dans la cellule et de se multiplier. C'est la raison pour laquelle la personne malade ne peut pas transmettre le VIH à son conjoint, dont le résultat n'est pas séropositif, mais ça ne garantit pas que la personne séronégative restera VIH négatif parce que l'organisme produit chaque jour des cellules CD4. Le docteur Félicité Ngonzimana conseille au conjoint l'usage de préservatifs pour éviter de contaminer le conjoint séronégatif. Merci Alida Ndayikeza. Parlons maintenant éducation. Les enseignements au niveau du master à l'Université du Burundi se dérouleront la journée et les étudiants n'auront pas le droit de s'occuper à d'autres activités parallèles. Cette précision a été donnée ce mardi par le recteur de l'Université du Burundi lors de la passation du concours d'entrée à ce palier d'enseignement universitaire. Et concernant le paiement des frais académiques par ceux qui seront retenus, Gaspard Banyangimbona a déclaré que la question est en cours d'analyse. Suivez-le. Pour le cas des éventuels étudiants qui seraient employés quelque part, ici, je dois attirer votre attention parce que c'est une question qui se discute un peu partout, voire même dans la rue, et les gens se posent des questions, ils se donnent même des réponses, et parfois ils risquent même de dépasser les limites. Vous savez, ces programmes qu'on est en train de développer, je ne dirais pas que c'est la première fois qu'on développe un programme de master, mais la manière dont on le développe, placé dans le cadre de la réforme BMD, tout devient particulier. Il y a un règlement du cycle master qui a été élaboré. Et ce règlement prévoit bel et bien des étudiants à temps plein et des étudiants libres. Pour au cas de ces programmes, ce sont des programmes prévus pour les étudiants à temps plein. Ça veut dire que pendant la journée, il y aura la présence ou non d'un enseignant en classe, mais il y aura également des travaux individuels des étudiants qui devront être faits. Et donc, dans ces conditions, est-ce qu'on peut être à mesure d'être en même temps en classe et de répondre finalement présent à son autre poste? J'ai l'impression que ça ne sera pas facile. Par ailleurs, nous, à notre niveau, nous allons exiger à tous ces candidats avec un statut pareil de déposer une attestation de mise en disponibilité. Demander les modalités, finalement, quel est le montant de la contribution et comment cette contribution sera libérée. Vous savez, ce qui nous intéresse, c'est d'ailleurs notre mission en tant qu'université, c'est de délivrer finalement les connaissances. Mais comme toute cette opération, finalement, nécessite un peu de fonds et que notre bailleur, peut-être, n'est pas à mesure de nous donner suffisamment de fonds pour le lancer, et c'est de cette manière-là qu'on exige une contribution des candidats. Et alors, comprenez que, effectivement, en tant que responsable de l'université, je ne sais pas rapidement dire, voilà, ça sera à telle hauteur, avant d'avoir, disons, eu l'aval de la hiérarchie pour pouvoir savoir que la formation exige un tel montant, ce qui est couvert par notre bailleur de fonds est tel et que la contribution des candidats devrait être de tel niveau-là. Voilà, c'était Gaspard Banyimbona, c'est le recteur de l'Université du Burundi. Également dans la suite de ce journal, certains habitants de la zone Bwiza se lamentent des déchets ménagers se trouvant près de leur maison. Ils craignent des maladies des mains sales qui peuvent les attaquer. Suivez. Nous sommes vraiment inquiétés. Les immondices dépassent l'entendement. On n'a pas où les mettre. Ces déchets débordent nos parcelles. Et les enfants qui passent le temps en train de jouer dans ces immondices risquent d'attraper diverses maladies. Il y a 3 mois, personne ne vient ramasser ces déchets. Alors que nous payons 2000 francs par ménage, par mois. Nous sommes vraiment fatigués. Nous faisons face à d'énormes difficultés. Nous sommes menacés par des odeurs nauséabondes. Des maladies ne peuvent pas manquer. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants. Cette association est venue une fois dans 3 mois. C'est pourquoi ces immondices vont former des montagnes. Des inquiétudes ne manquent pas suite à ces déchets qui ne sont pas ramassés. Cette association est venue une fois. Aujourd'hui, on s'arrange. Des maladies liées au manque d'hygiène guette tout le monde ici. L'on se rabat à ceux-là qui les transportent sur vélo, mais ces derniers sont souvent arrêtés. Voilà, c'était le coup de gueule de ces habitants de Bwiza qui se lamentent de ces déchets ménagers se trouvant près de leur maison. Nous avons cherché au téléphone le président de l'association Bisco, mais en vain. Dans la suite de ce journal, une somme de 5 000 francs bou est exigée à tout véhicule de type Probox et Kagongo pour passer sur chaque position policière depuis le marché de la commune Gasolgué en province Muyinga. Ces véhicules contiennent au moins 500 kg de farine jaune en provenance du camp de réfugiés congolais installé dans cette commune. Les conducteurs de ces taxis ne sont pas inquiétés, expliquant que ce pot de vin est donné à l'avance par le propriétaire de la marchandise, Apollinaire Mozagara. Ces véhicules de transport arrivent dans ce marché souvent le soir, quand la nuit tombe. Après le chargement, un policier survient et exige 5 000 francs avant de partir, sinon le policier menace d'amener la voiture à la police. Arrivé à la barrière policière de la commune Kiremba, précisément à Masanganzira en province Ngozi, le chauffeur ou le commerçant propriétaire de ces marchandises paie encore 5 000 francs, de même qu'à la position se trouvant à l'entrée de la ville de Ngozi, à l'endroit communément appelé Chehambar. Cette farine jaune provient, selon ses chauffeurs, du camp de réfugiés congolais se trouvant dans cette commune et arrive dans ce marché-là. La police anticorruption en Ngozi indique que, de commun accord avec tous les concernés, ont autorisé la vente de ce produit dans les communes proches de son camp pour que les réfugiés puissent venir à d'autres bases. Elle met en garde néanmoins les policiers et commerçants. Quiconque sera pris sera sanctionné conformément à la loi anticorruption qui punit le corrompu et le corrupteur. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Rafle de moto utilisée dans le transport payant depuis la matinée de ce mercredi dans la ville de Ruyigi. la police dit vouloir faire le contrôle des documents exigés pour faire respecter la loi. De leur côté, les motards disent que le manque de certains documents est dû au fait que leurs coûts sont très élevés et que certains sont à chercher à Bujumbura uniquement tous les trois mois. Jean-Claude Chimilimane. Aucune moto utilisée dans le transport payant n'est visible depuis la matinée de ce mercredi dans l'office de Bigui. Que ce soit au parking du quartier Gassanda près du lieu où se trouvait l'ancien marché ou à celui qui se trouve en face des bâtiments de la Copé Kéroïgi sur la route qui menait à Tchankouzo où on pouvait trouver plus d'une cinquantaine de motos en stationnement en attente de clients. Les motards contactés disent qu'ils ont vu des policiers en tenue civile en train de saisir des motos sans aucun contrôle préalable, ce qui a poussé les motards qui avaient encore leur moto à les cacher dans l'immédiat. Côté police, l'on indique que cette rafle est en train d'être faite pour vérifier la disponibilité des documents exigés pour les motards afin qu'il y ait respect de la loi. L'on indique également que chaque moto saisie sera remise au propriétaire qui aura présenté tous les documents exigés, faute de quoi il se fera infliger une amende conformément à la loi. De leur côté, certains motards, de même que leur représentant dans la ville de Ruigi, Ezekiel Ndizeye, disent que le manque de certains documents n'émane pas d'eux-mêmes. Selon leur dire, les tarifs des documents des motos effectuant le transport sont élevés jusqu'au niveau de ceux des documents des voitures taxis. En plus, certains documents, notamment l'autorisation de transport, qui coûte 20 000 francs burundais, est à chercher tous les trois mois uniquement dans la capitale Bujumbura, ce qui limite son accessibilité. Vous saurez que 9 motos étaient déjà saisies jusqu'à 9h30 et la police indique que l'activité se poursuit dans le but d'exiger le respect de l'ordre. Jean-Claude Nshimilimana, Luigi, Radio Isanganiro. Du sport maintenant et du football. L'équipe nationale du Burundi, Intamba Murugamba, prend l'avion ce soir à destination du Kenya, où se déroulera la Coupe CECAFA des Nations. CECAFA. Cette compétition dénommée CECAFA Senior Challenge Cup opposera les équipes des pays de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est et aura lieu du 3 au 17 décembre prochain. Alain-Olivier Niungeko, sélectionneur de l'équipe nationale, se dit prêt à participer après avoir consulté la liste des joueurs de cette équipe et il espère qu'il en sortira victorieux. Suivez Olivier Niungeko, il est traduit en français par Elinibel Nibigira. Nous sommes en train de nous préparer pour les tournois du CECAFA qui se dérouleront au Kenya. Les entraînements sont en cours avec tous les joueurs, sauf le Dimavugo, mais lui aussi, nous le prendrons en Tanzanie. J'espère que jusqu'à lundi, on aura été prêt. On n'a enregistré aucune fracture pour le moment, à part un Evariste Nassour qui a eu une entorse lors d'un match avec Aigle Noir. Maintenant, il a déjà déclaré forfait. Vous parlez de grandes équipes, mais notre équipe est aussi forte. Nous avons déjà croisé le fer avec la plupart de ces équipes. À part l'équipe de Zimbabwe, l'Ouganda, lors des précédents tournois, on était dans la même poule. L'Éthiopie, on l'a affronté à plusieurs reprises. Les joueurs qui nous viennent de l'étranger nous ont apporté une force. C'est même remarquable pendant les entraînements. Ce qui reste, c'est de les apprendre à jouer en duel parce que ça constitue à notre défaite car ils n'ont pas appris à attaquer afin d'arracher le ballon. On continue à leur montrer que le physique importe pour affronter l'Éthiopie ou encore l'Ouganda. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, ouverture ce mercredi à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 5e sommet de l'Union africaine et l'Union européenne. Et les jeunes sont au centre des discussions et le thème du sommet est investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Mais les enjeux sont bien plus importants selon nos confrères de la BBC. Et dans le reste de l'actualité internationale, au Kenya, où Uhuru Kenyatta a prêté serment ce 28 novembre pour un second mandat, et le leader de l'opposition Raila Odinga ne reconnaît pas toujours la victoire de son concurrent. Et en Irak, 11 personnes ont été tuées, 33 ont été blessé et c'était dans un attentat suicide perpétré par le groupe État islamique. Léonce Ndayishimiye. Au Kenya, Uhuru Kenyatta est depuis ce 28 novembre officiellement président du Kenya pour un second mandat. Il a prêté serment en compagnie de son vice-président William Ruto. Selon le site de la RFI, Uhuru Kenyatta prend en effet ses fonctions dans un pays profondément divisé. Alors que le leader de l'opposition, Raila Odinga, ne reconnaît toujours pas sa victoire, Uhuru Kenyatta a prêté serment en présence d'une dizaine de chefs d'État. Et au Burkina Faso, première tournée africaine et premier discours très attendu sont mardi 28 novembre d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Le président français s'est exprimé pendant près de deux heures dans un amphithéâtre devant 800 étudiants de la capitale burkinabé. Des propos à dominante économique et sociale, mais beaucoup l'attendaient aussi sur la politique. Le chef de l'État français s'est montré assez prudent. Selon toujours le site de la RFI, sur le plan sécuritaire, le chef d'État a rendu hommage à son prédécesseur François Hollande qui a envoyé des troupes au Mali. Sur le plan politique, il a salué la jeune démocratie burkinabé qui a gagné un combat pour la démocratie. Et en fait, en Irak, 11 personnes ont été tuées et 33 blessées dans un attentat suicide perpétré par le groupe État islamique près d'un centre commercial au sud-est de Bagdad, selon le nouveau bilan donné par la police. Léonce Ndaïche, mes stagiaires à notre station. Il est 13h21 à Bujumbura et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, ces gens de Dieu. Ndaïche Nga qui l'a mis en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi. Jean Bosco Ndouimana.